se lève et que ce l'ennemi soit dispersé. Que les méchants fuient devant lui, mais les justes se réjouissent dans l'allégresse. Ils exultent devant leur Dieu. Père des orphelins, défenseur des veuves, Dieu dans les familles, aux abandonnés. Il conduit les captifs vers la liberté, mais les rebelles habitent le désert. Oh Dieu, quand tu marchais ton peuple, la terre tremblait sous ta majesté. Les rois s'enfuirent, les peuples se dispersèrent.